Vous avez demandé la police, on vous écoutait déjà. Ne bougez pas, on arrive. Ici la police, silence dans la montée. Qu'est-ce que c'est que cette démocratie où les gens se croient tout permis ?